Donc bonjour. Ah, il y a de l'écho. 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il y a de l'écho toujours ? Ouais. 1 1 2 1 2 C'est bon ? Il y a plus d'écho ? Non ? C'est pas mal ? OK, donc bonjour à toutes et à tous. Donc on est là aujourd'hui pour faire la question de l'appropriation. Donc l'appropriation des lieux, l'appropriation de un peu toutes les dimensions de la vie, notamment la santé, le travail, le logement. Voilà, on va vous détailler ça un petit peu tout au cours de la journée. Et on est là aujourd'hui particulièrement ce 28 mars, c'est parce qu'il y a 150 ans sur cette place, il y a eu la déclaration de la Commune de Paris qui s'est effectuée. Donc on va faire tout le temps des allers-retours pendant nos interventions de cet après-midi, les débats qui vont s'en suivre sur 150 ans, l'héritage qu'on a de ces événements, et puis comment est-ce qu'aujourd'hui ça résonne encore dans tout ce qui peut se mettre en place, les initiatives collectives, ce qui est passé dans la loi, etc. etc. Donc déjà, pour lancer un petit peu, on va vous faire un petit retour justement sur ce que c'était que ce 28 mars 1871. Et puis ensuite, on va faire une controverse. Alors, tout au long de la journée, en fait, ce sont des débats avec des principes d'éducation populaire. Donc tout le monde est invité à participer, à s'exprimer sur les questions qu'on va mettre en avant. Et donc, on commencera d'ici une quinzaine, vingtaine de minutes par une controverse publique dont le thème est, écrit juste derrière moi, « Gérer sa ville pour ou contre ?». Et de là, ça nous amènera, on vous expliquera les règles du jeu, tout ça, tout ça. Et puis, ça nous amènera après, justement, vers des interventions un peu plus concrètes qui mettent en lien ce qui s'est passé il y a 150 ans et puis ce qui se passe aujourd'hui, les héritages qu'il y en a, et le reste, j'ai déjà dit. Pour cette mise en contexte un petit peu, je vais passer la parole à un camarade, un compagnon, un ami. Est-ce que tu es prêt ? Allez, c'est parti. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Police, police, coupez la police. C'est on est là, collectif avoir lieu. Et on est là aujourd'hui, le 28 mars 2021. Il y a 150 ans, jour pour jour, ici, sur cette place, c'était la plus grande liesse populaire, la plus grande fête du 19e siècle et depuis, le jour de la proclamation de la Commune. La proclamation de la Commune a suivi, bien sûr, la réappropriation du peuple de Paris de son propre destin à partir du 18 mars. Un peu les éléments de l'histoire de cet épisode qui a duré quand même 72 jours. Et c'était le 28 mars, ici même, que la Commune forme nouvelle forme de gouvernement par le peuple, constitué majoritairement du peuple de Paris, élu des 20 départements de Paris, majoritairement des ouvriers, des artisans, donc des gens du peuple qui, dans un contexte de guerre et face à la capitulation, aux trahisons, à la récupération de l'idéal républicain, de la République sociale qui a déjà été l'aspiration et l'idéal du peuple de Paris en 48 et depuis 48 du coup. Et ce 28 mars a vu quand même l'émergence d'une forme de gouvernement autogestionnaire qui avait réalisé sur le plan politique, économique, social, mais aussi administratif, tous les grands idéaux qu'on a et auxquels on aspire encore aujourd'hui. C'était la première forme d'un gouvernement qui était élu démocratiquement d'une forme de démocratie directe, en obligeant et en octroyant les prérogatives au conseil de la mairie, au conseil de la commune, les élus étaient révocables à tout moment, donc responsables et révocables devant leur propre. Et parmi les premières mesures qu'ils ont prises, c'était les vœux de la population de Paris qui avait le contrôle de ce conseil-là. L'annulation des loyers, le moratoire a été voté le 29 mars, donc le lendemain. Peut-être qu'on reviendra sur toutes les réalisations de la commune, mais comme le disait déjà une formule du journal Le Cri du Peuple du lendemain, cette journée du 28 mars, c'était la fête nuptiale de l'idée et de la révolution. Je m'en tiendrai à ça pour le moment. Je passerai la parole aux camarades qui voudraient compléter et on reviendra dans les détails sur les réalisations de la commune et les potentialités qu'elle avait portées. La commune de Paris, il ne faut pas l'oublier, c'était aussi un épisode situé, local, qui réclamait une gestion au niveau local de la cité, de la communauté, mais qui appelait le restant de la France et le restant du monde. C'était l'épisode qui a duré le plus, contrairement aux autres communes qui ont été proclamées un peu partout dans certaines grandes villes de France, Narbonne, Toulouse et d'autres. Il y a peut-être qu'à laisser la parole à la déclaration de la commune lors des élections complémentaires du 19 avril, je crois. La déclaration de la commune était, entre autres, que la commune ouvrait pour l'universalité du pouvoir et de la propriété. Donc c'était une république universelle qui comptait parmi ses élus et ses décideurs des gens d'ailleurs, des étrangers et des gens du peuple qui n'avaient jusque-là pas droit à la parole ni à l'exercice politique. C'était aussi un autre point important du mouvement féministe et pour une fois la réalisation en acte de certains droits, de certaines réalisations, de certains projets portés par le mouvement féministe qui est commune mais qui a eu à s'affirmer même les armes à la main pendant la commune. Donc cet épisode aujourd'hui, si on est là, c'était pas seulement pour ou dans une perspective de commémoration, c'est pour l'inscrire, nous inscrire dans cette filiation, dans cette tradition, et de porter encore ce que la commune a initié, a réalisé, mais aussi qu'elle portait ou qu'elle inaugurait. Je passe le micro à qui veut. Donc voilà, juste, on va pas être très long sur la présentation en soi de la commune. On voulait juste rappeler un peu le contexte. Donc pour présenter aussi un peu ce qu'il y a ici, il y a 40 portraits de femmes communardes qui ont pris part à très actives et donc qui ont eu un rôle majeur en fait dans ce moment révolutionnaire. Elles ont été parfois dans les bataillons à défendre Paris par les armes. Elles ont été ambulancières, elles ont été cantinières, écrivaines, philosophes, oratrices de clubs. Des rôles extrêmement importants. Elles étaient organisées en comités de femmes par arrondissement, à côté des comités d'hommes. Ils fonctionnaient aussi ensemble, mais il y avait ces organisations parallèles et mixtes, des femmes et des hommes organisés. Et on a mis en dessous quelques phares sur plusieurs plans, donc sur le plan du logement, de la justice, de l'alimentation, sur le plan de la santé. Il faut savoir que dans un contexte de guerre, de siège, donc Paris était assiégé par les Prussiens et par le gouvernement de Versailles qui avait capitulé. Donc il y avait une sorte de double encerclement du peuple de Paris. Dans ce contexte-là, donc très dur, de siège, donc de manque de denrées, de biens essentiels, etc., ils ont quand même réussi, en municipalisant les services, en faisant des services décentralisés, à garantir l'approvisionnement du peuple de Paris pour un faible coût, à garantir des soins, un système de santé qui fonctionnait, auto-organisé, la remise en route des ateliers qui avaient été abandonnés par les patrons qui ont fui notamment à Versailles. Donc c'était tout un modèle économique, social, culturel, émancipateur qui s'est mis en place, qui est assez impressionnant quand on regarde en quelques jours ce qu'ils ont réussi à mettre en œuvre. Donc on cherche un petit peu à, voilà, à mettre en avant tout ce qu'ils ont pu faire. Et à montrer aussi, on aura donc des collectifs qui vont venir prendre la parole sur comment on peut reprendre ces réalisations-là, les approfondir, les adapter aussi au contexte actuel. Voilà, pour compléter. Merci beaucoup pour du coup, cette présentation un peu de l'événement, du rapport à l'histoire et de pourquoi on est ici. Du coup, on va partir sans traverse publique. Je vais laisser le maître de jeu nous présenter un petit peu la thématique et puis comment ça fonctionne. Et n'hésitez pas à venir vous approcher, participer. Hein. Donc bonjour à tous. Alors une controverse publique est un jeu, une forme de jeu qui consiste à essayer de faire avancer un sujet en opposant les arguments, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. J'insiste sur le fait que c'est un jeu parce que on a le droit de pousser certains arguments de l'euro ou de développer toute forme de raisonnement que l'on souhaite pour développer le pour ou le contre. Alors aujourd'hui, c'est gérer sa ville, pour ou contre. Peut-on gérer soi-même sa ville ou ne peut-on pas gérer soi-même sa ville? Il veut commencer pour le contre ou pour le pour? Donc merci. Alors moi je suis contre, franchement, cette idée de gérer sa ville. Pour une première raison qui est que, bah, en fait, on a des élus pour ça, on les paye en plus. Et puis, c'est quoi gérer sa ville? Moi j'ai pas envie de m'occuper des poubelles, j'ai pas envie de m'occuper du nettoyage autour de moi. J'ai pas du tout envie de m'occuper de tout ça, en fait. Moi, j'ai déjà mon travail qui me prend beaucoup de temps, ma famille, et tout ça, pour moi, c'est les choses qui sont les plus importantes, en fait. Du reste de la ville, franchement, non merci. Il y a des gens, c'est leur travail en plus. Vous imaginez, si on le fait, tous les gens qui travaillent justement pour s'occuper de la ville, ils vont faire quoi? Ils vont se retrouver, du coup, à... Non. Non, franchement, c'est un truc qu'on voit là, comme en fait on veut tout gérer. Une fois qu'on demande aux gens de le gérer vraiment, ils commencent à se disputer sur est-ce qu'on met un bout d'herbe ici, un bout d'herbe là. Donc en plus, excusez-moi, mais franchement, gérer avec mes voisins la ville, alors encore moins. Déjà la gérer toute seule, je ne voudrais pas, mais alors avec les autres, non merci. Hein. Voilà donc une opinion bien exprimée pour le pour, gérer soi-même la ville. Alors, donc moi je suis dans le pour. Des salariés pour gérer une ville, municipaux. Bien sûr, nous avons des dirigeants, mais je pense essentiel que, et comme la politique en France, la politique se fait pas juste avec des politiques. Je pense que la population doit être dans les processus de décision et beaucoup plus ancrée dans ses prises de décision. Par exemple, je pense que le Covid montre aussi très bien justement le fait que les politiques ne savent pas gérer bien leur vie, et même, je veux dire, puisque aujourd'hui on arrive à avoir un Covid qui fait que depuis un an les commerces sont fermés, depuis un an on ne peut plus vivre en France, pour moi. Donc pour moi c'est un problème, et ça peut se faire aussi par justement par la reprise du pouvoir qui est... Que par exemple sur les politiques publiques hospitalières en France, aujourd'hui depuis 60 ans on a détruit l'hôpital public, et qu'en fait on s'en rend compte qu'en fait c'était juste pas possible, parce qu'aujourd'hui on est, on va dire, dans l'impossibilité, dans un problème de manque de place aux hôpitaux. Et en fait pour moi ça a été fait aussi parce que justement on a retiré la population des décisions. Et qu'aujourd'hui, on a juste deux personnes qui dirigent un pays. Et que, en fait, c'est juste une ou deux personnes. Ça va être juste une ou deux personnes qui vont, en fait, imposer, on va dire, des décisions. Et après, plus sur la ville, c'est... comment dire? Moi, par exemple, j'aimerais bien que ma ville, il y ait plus d'arbres, par exemple. Des parcelles pour pouvoir faire un potager. Plus d'associations pour gérer et aider les jeunes du quartier. Plus de locaux pour faire des aides aux devoirs, par exemple. Pour ça, je pense, et pour ça, pour tout ça, il faut des gens aussi qui agissent et qui gèrent les choses. Et ça, c'est la population. Moi, aujourd'hui, je ne crois plus aux politiques. Ça fait depuis maintenant beaucoup d'années que j'ai plus trop d'espoir dans leurs compétences. Ils sont pas là pour la population, les politiques, que ce soit municipaux ou nationaux, sénateurs, députés, tout ce que vous voulez, dans toutes les strates. Que ce sont des incompétents qui gèrent juste pour leur, on va dire, qui gèrent juste pour leur intérêt et qu'ils ont oublié l'intérêt général et l'intérêt pour tout. Et moi, j'aimerais bien pas me retrouver le fait que un dirigeant qui ne sait pas gérer ou qui ment soit révoqué immédiatement, que ce soit dans la ville ou dans les grosses strates. Parce qu'il doit agir pour l'intérêt général et pas pour son intérêt privé. Et aujourd'hui, il est trop pour l'intérêt privé et pas pour l'intérêt général. Et ça devient un problème. Et donc oui, pour gérer ma ville, parce qu'il faut des contre-pouvoirs locaux aussi, forts, pour justement contrecarrer le pouvoir qui est aujourd'hui trop autoritaire. Et bon. Quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer sur le sujet ? Sur le sujet, pour ou contre gérer soi-même la ville. Ouais, moi je suis pour. C'est quoi déjà la question? Je sais pas pourquoi je suis pour. Pour gérer sa ville, oui, tout à fait, je suis pour. Je suis pour parce que. Je me rappelle de ce qui s'est passé lors des mouvements des places en Espagne, le mouvement du 15e, du 15e mai. Et il y a une réappropriation de la population. Un truc qui a été récent et était beaucoup plus en profondeur d'ailleurs que ce qui s'est passé en France, où on a tendance à les mélanger avec le mouvement des indignés, mais qui n'a rien à voir en fait. Et le municipalisme libertaire, où. Est un exemple très qu'on peut effectivement gérer une ville directement, on va dire, avec des gens issus de sa population. Effectivement, ça prend du temps. Les prises de décision peuvent être très très longues. Au final, c'est une forme de démocratie directe que beaucoup aspirent à avoir et qui est possible. Et du coup, ça redonne du sens déjà collectivement aux gens qui font ça. Ça leur donne des sourires, ça leur donne de l'envie, ça leur donne envie de s'impliquer. Ça les sort de l'individualisme, ça les sort de leur appartement. Ça fait des rencontres, ça fait de la chaleur, ça fait de l'humanité, ça fait tout un tas de choses. Et ça permet aussi de sortir un petit peu des chemins battus. Et ça fait un bien fou quand tu es. Dieu seul sait. Moi, je crois pas en Dieu, mais bref, j'ai pas d'autres expressions en tête. Il y a plein de gens en fait qui ont plein de choses à dire et à s'exprimer, et du tout, elles ne le font pas. Et rien que le fait d'être sur une place, que ce soit en France ou en Espagne. Et d'être écouté, et que derrière en fait on n'est pas qu'à l'écoute mais qu'il y a des choses concrètes. J'ai en tête le nombre de mouvements, de collectifs, d'associations qui sont ces places en Espagne. La plus pour moi l'exemple le plus probant, c'est l'APA qui aide les gens qui sont expulsés de leur appartement. Et en fait, ces gens là ils ont trouvé un cadre de confiance quand ils viennent défendre des familles qui se font expulser. Pas comme ici les copains du DAL où ils galèrent, ils ont un peu toujours les mêmes personnes, même si ça change un peu avec ce qui se passe sur la place de la République et les tentes. Mais c'est 150, 200, 300 personnes qui viennent dans un immeuble et qui défendent des gens qui sont expulsés. 150, 200, 300 personnes, c'est des gens qui sont déjà passés par des expulsions et qui connaissent. Et ça, si on arrive à le faire en Espagne et en Catalogne, c'est qu'on peut le faire ailleurs. Et on peut le faire également en France, mais ça dépend que de quelque part, que de faire ce pas de côté à chacun. Après, il y a des gens qui prendront plus de responsabilités, d'autres un petit peu moins. Ça fait partie du jeu. Est-ce qu'il faut que ça tourne? Est-ce qu'il faut, etc., etc. Je laisserai les gens parler. Mais voilà pourquoi je suis pour gérer les villes nous-mêmes. Je remplace Bruno parce qu'il discute. Et donc voilà, pour ou contre donc gérer sa ville. S'il veut prendre la parole, il est le bienvenu. Bon, je veux bien réagir un petit peu sur ce qui a été dit, mais j'invite les gens présents, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont présents ici qui n'ont aucune envie de se prendre la tête avec les problèmes de municipalité ou autre chose. Parce que moi, ce que j'entends un petit peu, donc aider les gens qui sont expulsés, tout, ceux qui veulent gérer leur ville, c'est ceux qui n'ont pas réussi à gérer leur vie. Hein. C'est un peu de ça, quand même. Donc, très franchement, déjà, commence par gérer ta vie, après tu chercheras à gérer ta ville. Et donc, pour gérer la ville, bah, c'est simple. Hein, tu commences à faire un programme, et ensuite tu vas sur les listes électorales, et puis là, comme ça, tu vas gérer la ville. Donc bon, c'est ça qui est bien sympathique, mais on reconnaît aussi un petit peu ce trait de caractère français qui est qu'on râle parce qu'ils le font pas bien, et après on dit à tout le monde venez le faire avec moi, et puis ensuite on se dispe quoi. Donc bon, enfin voilà, très franchement, mais à la limite, je veux bien avoir rentré en accord, on va dire, avec le fait que certains politiques ne font pas les choses pour la population. Certes, on va dire qu'ils gèrent leur vie dans leur ville, quoi. Ouais, bref. J'arrête avec ce jeu de mots-là, je sens qu'il va être un peu dépassé. Donc, à la limite, si vous voulez vraiment quelque chose qui sorte de la corruption et qui permette de pas trop se rajouter de tâches et de continuer à gérer ce qu'on a envie de gérer, vous savez que maintenant, on a quand même de plus en plus de choses connectées. La solution pour qu'une ville, elle soit bien gérée, qu'elle fonctionne bien, que ce soit connecté, que les choses soient contrôlées à travers... Internet, à travers plein de... toutes les applications qui peuvent être mises en place pour savoir ce qui se passe, comment ça fonctionne autour. Quelque chose d'intéressant, oui, pour que la ville, elle soit gérée. Mais encore une fois, moi, je vous repose la question et j'invite vraiment les gens à participer et à venir un peu avec moi parce qu'en face, j'ai en face de moi tous les gauchos de la place là, qui sont pour gérer leur ville. Donc, venez un peu avec moi pour dire aux autres que franchement, j'ai envie de vous occuper de tous les problèmes qu'il y a autour de vous, déjà, il y en a assez. Moi, j'en ai assez dans ma vie, hein, franchement. Voilà, donc la parole est ouverte. Si vous voulez exprimer votre opinion, mais pendant que quelqu'un se décide, dire que je relève une contradiction dans la mesure où vous dites que les gens ne sont pas capables de gérer eux-mêmes, mais parce qu'on gère à leur place, donc forcément, ils n'ont pas l'habitude. Mais à partir du moment où... on se déresponsabilise pas sur une pyramide ou le haut d'une élite qui, elle, décide à notre place. Et ben on apprend, et entre voisins, on finit par se sentir capable d'aménager, je sais pas, un jardin, ensuite des soupes populaires. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant la commune? Ils ont pris en main et ils ont fait des progrès dans la gestion du quotidien au fur et à mesure qu'ils le faisaient eux-mêmes. Ouais, tout à l'heure tu disais que pourquoi gérer sa ville? On a un travail, une vie de famille, tout un ensemble de contraintes déjà pour gérer sa propre vie. Et donc vouloir gérer la ville, ce sera en fait se mettre dans une situation problématique. Mais le problème, et tu disais, ouais, celui qui veut gérer la ville, c'est celui qui ne peut pas gérer sa ville. Et je pense que justement, c'est peut-être ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, tu as tout à fait raison en fait. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas gérer leur ville parce qu'ils ont toutes les contraintes que tu as citées. Mais donc du coup... si on raisonne par l'absurde, qu'est-ce qui se passe concrètement? Eh bien, ceux qui gèrent vraiment les villes, c'est ceux qui sont là, familiales, professionnels, etc. Et effectivement, comme tu le dis, c'est des gens qui n'ont peut-être pas l'expérience eux-mêmes de gérer leur propre vie. Je pense particulièrement à la question sociale. Par exemple, si tu es issu de la grande... enfin, si tu n'as pas besoin de travailler pour vivre, tu n'as pas la contrainte professionnelle. Donc, tu peux avoir le temps de gérer une ville. Et donc ce fait-là, il aboutit à ce que les gens qui gèrent la ville, bah c'est que généralement des gens de la grande bourgeoisie. C'est que des riches, quoi. Et pendant la commune, il se trouve que ça a été des pauvres et ils ont fait des très belles lois. Donc ça prouve que quand c'est des simples gens qui gèrent les villes, ils peuvent faire des lois, des très bonnes lois, qui d'ailleurs n'ont pas été annulées ensuite, mais qui ont été confirmées par Jules Ferry, pour ce qui concerne l'école gratuite et laïque, etc. Moi, je pense que le problème, c'est ce que tu dis est vrai, mais c'est comment on fait, justement, pour que les gens qui ont un travail, qui ont une famille, aient envie de gérer les villes. Voilà. Quelqu'un d'autre veut s'exprimer sur le sujet? Pour, contre, gérer sa ville soi-même? D'une part, il se présente l'idée que ça serait intéressant de gérer sa ville parce que ça permettrait de se réapproprier les choses. Je reformule, je résume. Pourquoi faire? On n'a pas le temps. C'est à d'autres de s'en occuper pour nous. Euh, J'ai envie aussi de poser sous un autre angle la première question. Ah, c'est que j'ai pas le temps. Et je trouve que ça serait intéressant de réfléchir à pourquoi on n'a pas le temps. Qu'est-ce qui va faire que on n'a pas le temps de gérer son quotidien, gérer ses enfants, etc. Et je pense que justement, il y a aussi le problème de la gestion de l'aéromatique là que vous soulevez, qui est aujourd'hui, depuis pareil, 60 ans, on détruit le service public, on détruit les structures associatives, on fait mourir plein de choses qui permettent justement, qui permettraient si elles étaient restaurées, plutôt dans la ville, comme plus d'agents publics dans la ville, comme plus de gens justement qui nous permettent de nous aider dans plein de choses, et ben je pense que ça permettrait peut-être de perdre moins de temps dans sa vie. Au lieu de passer 2 heures à faire des papiers administratifs, peut-être de passer 1 heure et de prendre l'autre heure pour s'occuper de ses enfants, aller dans un musée, aller se promener dans sa ville. Et ça, je pense qu'il y a aussi, je pense que voilà, cet argumentaire ne tient pas sur le fait que cette chose-là peut être changée aussi, sur comment gérer sa vie et comment la ville peut nous permettre de mieux gérer notre vie au quotidien, c'est-à-dire de nous permettre de perdre moins de temps, transport public, plus d'agents municipaux, d'agents nationaux, plus de fonctionnaires et plus de structures qui permettent d'aider. Et pas qu'on se retrouve aujourd'hui avec à devoir faire perdre 1 heure de route pour aller à l'hôpital parce qu'il n'y a pas des spécialistes à moins de 50 km de chez nous, à mettre 10 ans pour faire de l'administration parce que tout se fait sur Internet. Et par Internet, des fois, c'est compliqué de monter des dossiers quand on n'a pas quelqu'un en face de nous pour nous expliquer les démarches à faire. Et ça, c'est du perte de temps. Et ça, c'est une perte. Donc, comment en fait faire pour pas perdre tous ces temps-là pour là agir sur la ville? Et je pense que ça, c'est une politique aussi publique de la ville qui doit être faite. Et les citoyens doivent en prendre plein part. Et si ça, on le gère mieux, je pense que les citoyens pourront gagner du temps sur beaucoup de choses. Non, ça marche. Voilà, je me demande, moi, qui c'est qui va ramasser les crottes dans les rues, si c'est pas la ville qui les ramasse, si c'est pas organisé pour ça. Qui c'est qui va plier les cartons quand on les met dans les poubelles? Qui c'est qui va faire attention au mec qui est en train de crever sur une dalle? Heureusement que la ville est là! Heureusement qu'il y a un gouvernement, une mairie de Paris, pour mettre les gens du voyage dans des camps, pour mettre les SDF dans des boîtes, hein, pour les envoyer dans des centres où ils seront lavés, parce qu'ils sentent, hein. Moi je parlais avec, ils puaient, c'était quelque chose de terrible. Heureusement qu'il y a l'État, parce que j'en connais pas beaucoup qui s'occupent du voisin, hein. D'ailleurs mon voisin, moi il me fait chier, il a fait du bruit toute la nuit, il est incapable d'avoir une solidarité rien que dans son immeuble, donc je me demande vraiment qui se prend en charge ses responsabilités, parce que c'est bien gentil d'être acharniste, achirnaste, comment on les appelle là, comment on les appelle, c'est bien gentil de se croire capable de faire quelque chose, mais faudrait commencer par se torcher soi-même, faudrait commencer par arriver, et ça j'y crois pas du tout, hein. Quand on se balade dans des quartiers, quand on voit plus croire à rien, qui n'ont aucun respect de la hiérarchie des gouvernements et qui ne savent même plus que leur père, on peut se demander si l'on mettait tout ça dehors, mais ce serait un drôle de bordel. Ce serait pas un drôle de bordel? Vous croyez que vous êtes capable? Mais non, vous n'êtes pas capable. Heureusement qu'on a des élus. Heureusement qu'on a qui gère pour nous, parce qu'on est incapable de gérer. C'est pas d'accord? Capable de gérer et d'organiser au plan sur la comète, qui sont capables de continuer à maintenir les stades et tout ça pour défendre le territoire, pour empêcher que des mafieux construisent des ports avec un gros C, construisent des... Alors s'il y en a qui sont capables d'aller là-bas pour défendre ce qu'on a, alors oui, peut-être qu'on pourra gérer notre ville, mais pour l'instant... Même le micro n'est pas d'accord avec l'opinion, mais ça n'engage que le micro. Hein. Quelqu'un d'autre veut s'exprimer sur le sujet? Un petit argument pour l'autogestion des villes, éventuellement? ou vraiment l'idée de, qu'on ne peut pas se gérer, c'est quelque chose qui vous paraît fondamental. Bon, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, là on est obligé de réagir quand même. Hein. Alors, c'était quoi les arguments que tu disais? Heureusement qu'il y a un service qui s'occupe du nettoyage, de gérer tout ce qu'on n'aurait pas envie de faire, quoi. Et moi, je me demande, bon, l'histoire parle d'elle-même, hein, on le sait, justement, si chacun est responsable de... C'est-à-dire, c'est pas seulement faire du tri sélectif, c'est... Je prends des responsabilités... Oula, je vais me mettre là, ça ira mieux. Si je sais que, je sais pas moi, à tour de rôle, tel jour, je dois m'occuper de la gestion de l'espace public, de nettoyage, tel jour, je vais m'occuper des tâches administratives de la ville, tel autre jour, je vais me mettre dans une commission alimentation, tel autre jour, je sais pas, je vais aller rejoindre une coopérative d'artistes ou d'artisans. Pour... À partir du moment où je deviens polyvalente, que je m'occupe de tout, j'ai soin... Je suis préoccupée partout, j'ai plus du tout le même comportement aussi dans ma ville, quoi. Est-ce que la ville serait pas d'elle-même plus... Bah, ça change complètement notre propre comportement individuel. On est responsable si demain, si je fais des... Je sais pas, si je contribue à la désorganisation, que je... C'est moi qui vais devoir gérer, en fait, les conséquences de mes actes avec les camarades. Je vais devoir rendre des comptes devant les camarades aussi. Je pense qu'on est, ça transforme complètement notre rapport à la ville, notre rapport aux autres, notre façon d'agir dans la ville. On a parfois des expériences comme ça, je sais pas, dans la toute petite échelle, en festival, où chacun gère un peu son espace, chacun gère autour de lui. On voit bien comment ça fonctionne, en fait, très bien quand chacun doit assumer ses actes, assumer ce qu'il fait, et on n'a plus besoin. À la fois, on n'aurait plus besoin de déléguer, et à la fois, on serait moins déçus aussi de nos représentants. Parce qu'aujourd'hui, cette passivité qu'on a, c'est à la fois parce qu'on est déçus, parce qu'on ne se reconnaît pas dans nos représentants, qui sont des professionnels de la politique systémiquement corrompus, qui sont, par leur fonction même, comme on leur délègue tous nos pouvoirs, forcément, qui s'accaparent le pouvoir, qui sont complètement déconnectés de la réalité. Donc ça entretient notre passivité puisqu'on est complètement tiré de cette corruption généralisée, systémique, et qu'on n'arrivera jamais à combattre dans un système pareil. On sera toujours déçu puisqu'on élit des gens sur des choses qu'ils ne feront jamais, forcément, puisque c'est des professionnels de la politique qui sont installés bien confiants, qui ne sont pas révocables, qui n'ont pas à rendre des comptes, qui peuvent très bien faire le contraire de ce pourquoi ils ont été élus, qui peuvent tout piller, voler, ils ne seront jamais punis par la justice, puisque la justice est de leur côté. Donc ça entretient une passivité, une déception, et en même temps, on se sent incapable de faire quoi que ce soit. C'est toujours cette duplicité, on est à la fois désespéré, on sait qu'ils sont bons à rien, et en même temps, on se croit nous-mêmes pas capables de faire mieux qu'eux. Alors que c'est certain qu'on ferait mieux qu'eux, en fait, à partir du moment où on se forme, où on est plus dit que chacun doit... Si les gens concernés, si les artisans vont décider de comment on va gérer l'économie, l'artisanat dans notre ville, si les ouvriers décident, on fait une grande consultation comme ça a été fait pendant la commune par les ouvriers pour savoir comment on va maintenant reprendre en main les fabriques, reprendre en main la santé, les gens qui savent, qui connaissent, qui ont de l'expérience dans leur métier, qui sont dans la réalité du terrain, ils vont finalement beaucoup mieux gérer les choses. Donc voilà, mon argument, c'est que... À partir du moment où on se met nous-mêmes dans une position de responsable, de reprendre notre part du pouvoir dans la ville, de plus déléguer des fonctions à des professionnels, dits professionnels, mais complètement, finalement, incompétents et puis ignorants, quoi, des vraies choses, je pense qu'on serait à la fois beaucoup plus efficace, beaucoup plus satisfait aussi, et on se rendrait compte de nos capacités qui seraient démultipliées. Et on se rendrait compte de notre force, de notre pouvoir quand on prend les choses en main et quand on s'organise collectivement. Voilà. Voilà, un souhait de contre-argumentation ? Oui, parce que c'est bien gentil, mais il faut travailler. Il faut travailler pour nourrir sa famille. Il faut travailler pour faire quelque chose dans la vie. J'ai l'impression que tu me parles d'agir, de penser ensemble. Mais tu crois pas que depuis qu'on est tyrannisé, il y a des peuples et des peuples qui auraient dû déjà depuis longtemps foutre en l'air tout leur système gouvernemental, tous leurs tyrans et tout ça? Tu crois pas qu'on aurait dû, il y a bien longtemps, arrêter de nourrir des systèmes qui nous bouffent? Non, moi j'y crois pas. Hein. L'homme, il est lâche. C'est sa nature. Je dis exactement. C'est sa nature, hein, d'exploiter l'autre. C'est ta nature de se foutre sur la gueule les uns des autres. Bien sûr, ce serait merveilleux si on était dans une société plus petite, avec des petits villages. Mais est-ce que tu te rends compte, milliards sur la Terre? Donc il faut envisager d'organiser les choses de manière raisonnable pour la masse des gens qui sont incapables de penser par eux-mêmes. Voilà. Donc, ces gens qui sont incapables de... et qui nous font confiance, eh bien, c'est normal. Alors, je me prends pour un homme politique, tout d'un coup. Non, moi, je ne suis qu'un concierge d'immeuble, et je peux vous dire que, déjà, de gérer l'immeuble entre les chambres de bonne, où ils sont vraiment absolument irrespectueux, et les gens du premier étage, que je respecte beaucoup, parce qu'ils me donnent quand même un petit peu de pognon, à Noël, vous voyez. Donc, vous voyez, de ce système-là, voilà, moi, je suis à ma place. Et je pense qu'il nous faut accepter d'être à notre place. Et que... mais non, on ne sera jamais capable de réfléchir, de penser, de s'unir, de solidarité, de se rendre compte qu'on n'a pas besoin qu'on nous dise ce qu'on a à faire à partir du moment où on est responsable les uns des autres. Mais nous sommes tous responsables, hein. Et puis je ne vais pas vous raconter le discours de la servitude volontaire, hein, de la Boétie. Il y a déjà combien, 4 siècles qu'il a écrit. Tout ça était bien vrai. Donc on est incapable. Il nous faut des gens pour nous gérer. Nous ne serons jamais d'y arriver. Nous ne sommes qu'une grande masse d'humanité. Ah, je ne crois pas. Mais une grande masse de bons hommes et quelques bonnes femmes. Et cette masse de bons hommes, elle n'arrivera jamais à se mettre d'accord. Ça fait des siècles qu'on se fout sur la route et essayer de construire. Donc c'est pas demain la veille qu'on va y arriver. Bon. Avant de passer la parole à quelqu'un, je voulais juste remarquer l'incohérence de l'argument. On n'est pas capable de se gérer, mais eux non plus ne sont pas capables de se gérer. Et on n'est pas et eux non plus. Donc juste la question, pourquoi les laisser gérer à leur place? Voilà, donc quelqu'un veut prendre la parole? Je suis complètement ce que disait la personne qui m'a précédé de ce côté-là de la controverse. Quand elle disait, par exemple, moi je serais prêt, par exemple, une fois par semaine, aller participer à une commission ou faire du ramassage, etc. Et de travailler, etc. Et alors ça, c'est le premier argument. Deuxième argument, c'était, mais en fait, on n'est pas capable. Donc là, c'est-à-dire qu'on a intériorisé notre infériorité, notre incapacité, comme peut-être à l'époque de la Commune, on disait les femmes sont incapables, les pauvres sont incapables, mais de façon empirique, c'était le contraire, parce que des femmes et des pauvres ont produit des lois qui ensuite ont été confirmées par des Jules Ferry, par des grands esprits, comme on dit. Alors... Concernant, pour revenir à ce que disait madame, et je crois que c'est vraiment, pour moi, c'est ça le plus intéressant. Puis la ville de Paris, d'abord, les services publics ne sont pas... En fait, il faudrait distinguer dans la gestion opérationnelle et la gestion politique. La gestion opérationnelle, elle est faite par des fonctionnaires. Donc ceux qui ramassent les poubelles, enfin, normalement, c'est des fonctionnaires, c'est délégué à des sociétés privées. Mais prenons le cas des fonctionnaires. Donc ceux qui ramassent les poubelles, c'est des fonctionnaires d'État. Qui ont un métier, qui doivent ramasser les poubelles de la ville de Paris. Et puis, au-dessus de ces fonctionnaires, il y a des directions qui, elles, sont souvent aussi des hauts fonctionnaires, qui ont des compétences de cette direction. Il y a le pouvoir politique qui, lui, va, effectivement, arbitrer les budgets et donner une orientation. Mais, aujourd'hui, imaginons qu'on mette en place une sorte de mandat de citoyenneté, par exemple, un peu comme le mandat syndical, qui permettra à n'importe quel qui travaille, par exemple, dans la gestion paye, dans un cabinet d'experts comptables, et qui dirait « Moi, je suis volontaire, une fois par semaine, pour travailler à la gestion paye de la ville de Paris et pour donner ma journée. » Et qu'on permette à tous les citoyens de faire cela. Donc, que se passerait cette journée où ce gestionnaire de paye ne travaillerait pas dans son cabinet d'experts comptables? Eh bien, il travaillerait gratuitement à la ville de Paris, tout en percevant son salaire qu'il aurait perdu dans son poste de, dans le privé. Et donc, en faisant ça, on pourrait continuer à travailler tout en sa ville. Vous voyez, c'est des dispositifs qu'il faut mettre, qu'il faut imaginer, expérimenter. Je pense que ça mérite expérimentation. Ça, c'est pour la dimension opérationnelle. Maintenant, pour la dimension politique, on revient à Louise Michel, on revient à tous ces gens-là qui nous prouvent qu'on peut très bien mettre à la tête des gens de modestes, des instituteurs, des ouvriers, des artisans, et leur faire confiance pour donner une direction politique qui ne soit pas absurde, incohérente et irrationnelle. Bah là, c'est un peu... Tout le monde peuvent parler, donc c'est ouvert. Et oui, moi je voulais revenir sur la question du temps et pourquoi on n'a pas le temps de s'engager pour effectivement de comment on va gérer les services publics, en fait ce qui permet qu'on vive au quotidien. Peut-être déjà, c'est vrai qu'on travaille peut-être un peu trop, ou en tout cas certains travaillent trop, qui leur est volé, et c'est à l'époque de la commune. Aussi, si les gens ont pu faire la commune, c'est qu'ils crevaient de faim. C'est qu'ils crevaient de faim et c'était évident, en fait. C'était évident, et au moment où les bourgeois ont fait défendre leur ville, eux, ils sont restés, ils ont acheté les armes eux-mêmes pour se défendre. Et à ce moment-là, il était évident pour eux qu'il ne fallait pas qu'ils les rendent. Et donc, à ce moment-là, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient... pour leur vie, pour leurs intérêts, ils avaient intérêt à gérer eux-mêmes les services, donc la santé, le logement, etc. Et aujourd'hui, quand on regarde un peu la société qui nous entoure, il y a énormément de gens qui sont pareils, qui crèvent de faim ou qui sont en train de, enfin, qui s'épuisent sur des applications, enfin, sur des travaux qui passent par des applications. Ils n'ont même pas un interlocuteur en face. Oui, alors non, mais non, je passais notamment aux livreurs à vélo, aux livreurs Uber, etc. Mais après, ouais, il y a aussi d'autres gens qui... Non, mais bien sûr, mais vous avez raison, il y a des gens qui ont... Enfin, tout devient numérisé. Ben moi, je vais le dire que moi, je ne me remets pas. Que de toute façon, on essaie de m'aider, je suis bien d'accord, qu'il y a des tas d'assos, qu'il y a des tas de mouvements, qu'il y a des gens qui se bougent le cul pour nous aider, nous, les exclus en général, j'entends bien les pauvres, les SDF, les clochards, tout ce que vous voulez, mais le compte n'y est pas du tout. Et le compte y serait... Si, comme vous le dites, mademoiselle, qu'on partage. Mais c'est pas vrai qu'on partage. Moi, j'ai offert 3 clopes aujourd'hui. Me dire, c'est beaucoup, 3 clopes. Mais moi, sur mon budget, ça me fait quoi? Ça me fait 3 clopes. Voilà. Et j'ai offert une bière par-dessus le marché. Et j'ai offert 2 euros. Alors moi, je le fais ça naturellement. Faisais ça au moins un minimum de ça partagé, je sais pas, 1 euro par jour, quoi. 1 euro par jour partagé. C'est comme ça qu'on s'en sortira, pas autrement, parce que c'est la société qui gouverne, c'est pas nos employés de la politique quand même. Non, ils déconnent. À chaque fois qu'ils sont au pouvoir, ils le prennent, le pouvoir. Donc vous auriez des bonnes consciences, comme vous dites, etc. Moi, je vais bien le croire, ce truc-là, mais ça fait quand même 40 ans que je vois bien qu'il n'y a rien qui change. De toute façon, il faut leur rendre le pouvoir. Il faut le donner à la société en vrai, puisque la société n'a pas besoin d'hommes politiques. Il suffit d'avoir des systèmes informatiques, etc., etc. Excusez-moi, j'ai trop causé. Ah non, c'était très intéressant qui a été abordé. C'est qu'en fait, il faut redonner le pouvoir à la société et non pas simplement à ses représentants. C'est intéressant comme idée. Quelqu'un d'autre veut s'exprimer sur le sujet? Et moi, pour le coup, je rebondis sur contre la gestion de la ville. Moi, gérer sa ville, ça ne me parle pas du tout. D'abord, je ne suis pas du tout d'accord de m'associer avec des gens pour gérer la misère. Secondo, je n'ai pas l'impression d'être dans une ville. Est-ce que vous tous, vous avez l'impression d'être dans une ville ? Pour moi, Paris, ça n'est plus une ville. Ça l'était peut-être dans le passé. Depuis que on a transformé, a bouleversé complètement le cadre de vie du peuple de Paris, pour moi, ça n'était plus une ville. Aujourd'hui, on parle d'une ville, d'une mégapole, d'un pôle administratif, d'un pôle de gestionnaire. Et ils habitent Paris, je n'ai pas l'impression qu'ils habitent vraiment Paris. Pour pouvoir gérer sa ville, il faut avoir l'impression d'y habiter. Il faut avoir l'impression d'y décider. Il faut avoir déjà la possibilité de déterminer l'ampleur, la grandeur d'une ville. Une ville à taille humaine où l'on se rencontrerait, où l'on verrait, où l'on reconnaîtrait son voisin, où l'on reconnaîtrait sa rue, où il y ait des espaces de vie, des espaces de rencontre. J'ai l'impression d'être dans une ville et du coup je refuse complètement ou je récuse cette possibilité de gérer, comme dirait l'autre, gérer la misère. Donc pour moi, peut-être cette problématique ou cette optique-là de vouloir gérer sa ville. D'abord, j'ai une question peut-être. Est-ce qu'on pourrait décider déjà de la taille de notre ville ? Est-ce qu'on pourrait décider de ce qu'est ou ce que peut être notre ville pour pouvoir la gérer ensemble ? Et pour faire un peu comme mon camarade, je pense que ceux qui n'avaient pas le droit à cette ville-là, qui ont été exclus, De plus en plus loin, et il y avait la mairie de Paris et il y avait un gouvernement socialiste qui a permis quand même l'accès à cette ville en réduisant le pass Navigo qui pénalisait ceux qui habitaient le plus loin de Paris, non seulement qui ont été exclus, mais qui pour la rejoindre, pour y travailler, c'est eux qui la font vivre, devaient payer 3-4 fois. Donc moi, je ne suis pas du tout d'accord sur la perspective de gérer sa ville. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole ? Tu avais été interrompu, tu veux reprendre ? Bon, cela dit, quelque chose a été dit là sur l'effort de la ville de Paris en abaissant le pass Navigo pour rendre la ville plus accessible. D'un autre côté, elle a augmenté les loyers pour la rendre inaccessible. Non, mais je voulais réagir sur ce qui vient d'être dit, parce que c'est quand même ça un peu le principe, à la limite. On disait tout à l'heure, gérer son village, se débrouiller avec l'agriculture autour. Pourquoi pas ? Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, quand vous parlez de gérer votre ville, qu'ont été construites, qu'il y a des bâtiments qui sont rénovés à chaque fois, qu'il y a un fonctionnement énorme, énorme, énorme, en fait, qui est mis en place. Donc... moi, ça me fait un peu rire hein, quand vous dites « j'ai même envie de rêver avec vous ». Oui, pourquoi pas, on pourrait s'occuper de tout ça, mais franchement, c'est vous qui allez vous réoccuper de tout remettre en place, des gens qui tombent malades ? C'est vous qui allez vous occuper des gens qui tombent malades ? Vous allez autogérer l'hôpital aussi ? Non, mais franchement, je sais même pas quoi vous dire, en fait. Même quand j'essaie d'imaginer, ça me fait flipper, en fait. Ça me fait peur d'imaginer que on va gérer les trucs nous-mêmes. Alors du coup, tout à l'heure, il y en avait un qui parlait d'une incompétence généralisée. Je pense que chacun a des petites compétences de là où il est. Mais la compétence de mettre tout ça en lien, vous vous rendez pas compte. Il y a eu depuis des années, des décennies, des centenaires, une machine du coup, qui s'est mise en place. Une machine qui s'appelle justement toute la gestion de la ville, la gestion d'un pays. Non mais franchement, et en plus... gérer sa ville, ce serait imaginer qu'on est dans une petite ville isolée. Mais les villes sont en compétition avec d'autres villes. D'ailleurs, j'ai même utilisé le mot de... Il y a de la politique internationale à faire, il y a de la politique entre villes. Et là, vous faites quoi ? Vous allez dire aux autres, « Ah ben non, mais nous, du coup, comme on gère notre ville, on n'a plus assez d'argent pour faire ça, mais on va se faire bouffer. On va se faire bouffer par les autres. » Je sais pas, je vous dis, même quand j'essaye d'y penser, en fait, ça me fait vachement peur. Hein. Personnellement, ça me fait vachement peur, votre truc, hein. Si quelqu'un souhaite intervenir. Je pense qu'une des raisons de gérer sa ville, c'est aussi la question de la corruption. Aujourd'hui, tu prends la ville de Paris, par exemple. C'est un ministère, la ville de Paris. C'est un ministère, c'est un État dans l'État. Et Souvenons-nous tous ici des années Chirac, où on a appris par la suite qu'il y avait des emplois fictifs, il y avait des... Enfin, il y avait, c'était énorme la corruption. Donc aujourd'hui, on se dit que si c'était les citoyens eux-mêmes qui géraient les villes, bah, il y aurait peut-être moins de corruption. Donc ce serait déjà une valeur ajoutée. Tout à l'heure, tu disais, est-ce que c'est nous qui allons gérer la santé dans la ville ? Mais la santé dans la ville, elle est gérée par le ministère de la Santé. Elle n'est pas gérée par la mairie de Paris. Donc, tu disais, est-ce qu'on a les compétences ? Non, individuellement, il n'y a pas de surhomme, il n'y a pas de surfemme. Mais les compétences qui les unes associées aux autres, peuvent produire un service public. Donc, pour moi, c'est vraiment une idée intéressante. Et malheureusement, malheureusement, chaque fois que c'est mis en avant, dans le sang, la bourgeoisie, ou je sais pas comment on peut appeler ça, les dominants, ils écrasent parce qu'ils veulent pas que les gens gèrent leur ville. Donc rien que pour la corruption, ce serait bien que les gens gèrent eux-mêmes leur ville. À moins que tu préfères que ça soit d'autres, et puis qu'ils s'en mettent plein les fouilles, et que tu payes des impôts pour payer des intérêts, etc. Et donc tu même tes enfants, ou voilà quoi, je veux dire, voilà. Juste pour compléter, parce que je voulais quand même réagir à ce que tu disais, cher réactionnaire. Moi, il y a un exemple que j'aime bien donner, parce que ça parle dans l'actualité. Quand on voit, par exemple, que Carlos Ghosn était en prison, alors Carlos Ghosn, il gagne, j'arrive jamais même à me retenir les chiffres, parce que c'est tellement dérisoire. Je pense qu'en une journée, il gagne peut-être des centaines d'années de SMIC d'un ouvrier. Je suis pas loin, hein, peut-être je me trompe de 1 ou 0, mais vraiment, c'est quelque chose comme ça. Et on se dit, mais qu'est-ce qui justifie un salaire pareil ? Bah attends, quand même, il dirige une énorme usine, quand même. Combien d'usines dans le monde ? Quelle entreprise ? S'il est parti en prison, quand il s'est barré, les usines, elles ont continué à tourner, hein, ça s'est pas arrêté parce qu'il était en prison. Et là, on se dit, mais à quoi il sert, le mec, en fait, quoi ? Donc, des gens qui sont... Je sais pas où il est, je m'en fous pas mal, mais en tout cas, c'est un exemple. On nous fait croire qu'on a des gens très compétents au-dessus de nous qui méritent qui peuvent gagner plusieurs milliers d'années de SMIC d'ouvriers en une journée, en une semaine, en un mois, parce qu'ils auraient plus de compétences, parce qu'ils auraient des capacités de coordonner, machin. Mais qui est-ce qui coordonne toutes les usines ? C'est les ouvriers eux-mêmes. Éventuellement, il y a des gens qui ont un petit peu plus de qualifications sur tel sujet, qui peuvent. Ça peut être bien d'avoir des petits coordinateurs locaux qui tournent, qui changent. Bien sûr que ce ne soit pas toujours les mêmes, que ce ne soit pas un petit chef institut. On n'a pas tous les mêmes compétences. Moi, il y a plein de choses que je ne suis pas capable de faire. Après, je peux apprendre, je peux me former. Si on réduit le temps de travail, si on dit que je ne vais pas travailler plus de 4 heures par jour dans mon emploi et que le reste de la journée... Ça a été dit tout à l'heure aussi, donc je rebondis sur ça. Ce n'est pas qu'on va arrêter de travailler. Au contraire, on va réorganiser. Plutôt que d'être toujours sur le même poste, d'avoir des gestes répétitifs qui vont me bousiller. Si je suis caissière pendant 40 ans, que je n'aurai plus d'épaule à la fin de ma vie et que je serai complètement lessivée, que je n'aurai même pas le temps de m'intéresser à mes voisins, à mes enfants, à tout ce qui m'entoure, à comment je pourrais faire vivre mon quartier, organiser un comité de quartier, faire des cantines populaires, faire plein de choses avec des gens. Si je réduis mon temps de travail, ma journée est de 4 heures, je ne vais pas le reste du temps glandouiller, regarder la télé et continuer à être passive. Non, au contraire, je vais avoir envie et je vais être poussée à faire plein d'autres choses de ma journée, à juste plus... être plus réactive et faire... avoir du temps d'apprendre. Je vais peut-être me former à la menuiserie, me former à l'artisanat, me former pourquoi pas à la comptabilité, parce que j'ai envie de gérer une petite association de quartier correctement, pourquoi pas. Et voilà. Je pars un peu dans tous les sens, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, je voulais réagir sur plein de choses, mais juste sur ça, sur ce que tu disais, sur les fonctionnaires qui gèrent notre ville, etc. Au fond, les personnes qui sont vraiment à la tête de tous ces systèmes-là ne pilotent pas grand-chose, elles extorquent juste tout le travail ils usurpent en fait leur fonction, quoi. On pourrait très bien virer ces personnes-là, récupérer... Alors, je crois pas que c'est juste le salaire de nos dirigeants qui nous manque dans la caisse commune. Ça serait trop rapide de dire ça, mais au moins récupérer cet argent-là, remettre les choses à plat, exproprier de notre pouvoir politique, de la valeur de notre travail, de notre temps, et voilà, et on y arriverait. Bien sûr qu'on n'est pas tous capables de tout faire, mais on arriverait à chacun mettre en... On a énormément de compétences, beaucoup plus... collectivement qu'avec des petits guignols qui usurpent notre pouvoir là-haut. Ma question, c'est monsieur, hein, parce que la santé, c'est géré par le ministère et blabla. Du coup, j'ai la question, c'est quand on veut réclamer. En fait, je ne connaissais pas très bien ce débat de gestion des villes, tout ça. La question, c'est est-ce que les gens qui s'intéressent à l'autogestion des villes s'intéressent vraiment techniquement à récupérer, les compétences de l'hôtel de ville, ou vous intéressez pas à gérer, qui est géré par l'État. C'est ma question, parce que j'ai pas vraiment compris techniquement vous vous situez où, quoi. Du coup, par exemple, l'éducation, la police, en France, c'est l'État qui gère. Du coup, vous intéressez pas à la police, ça m'étonnerait, mais l'éducation, etc. Mais vous vous intéressez effectivement les collectes de poubelles, quelque chose qui appartient à la ville. Du coup, je voudrais un peu la clarification de la part de, je sais pas. Alors, quelqu'un veut répondre à la dame ? Je pense qu'on va vous faire une réponse à côté du débat. Oui, on est sur une controverse pour contre. Mais et d'ailleurs, moi au départ, j'étais pour parce que j'ai commencé à. Enfin, au début, on a entendu on fait des trucs parce qu'on n'est pas bien. Mais pour moi, la démocratie, c'est la. Et donc, ça fait partie de nous. Et en fait, on oublie souvent dans les expériences d'autogestion, parce que là, il y a beaucoup de gens qui parlent. Je ne sais pas combien on en a pu très concrètement et sur des durées assez longues d'en faire. J'ai eu l'occasion de rencontrer des gens. Et en fait, c'est le facteur humain qui le fait essentiel. Et dans ce facteur humain, en fait, et c'est là où je vais avancer vers le contre, ou c'est que ça énormément, notamment ce qui s'est passé à Sagan en France. Ils ont fait de la démocratie participative pendant 4 ans. À la fin, ils étaient au bout du rouleau, ils n'en pouvaient plus. Dans toutes les villes en fait, qui essayent de faire des choses participatives, c'est souvent les mêmes personnes. Il y a aussi des énormes problèmes d'ego. Quand vous avez des gens qui ont envie de faire des listes sans étiquette, sans parti politique derrière, on leur met des bâtons dans les roues. Le système est fait en place pour que ça soit très difficile. Et en fait, moi, j'ai envie de dire un gros pour, mais si on est très, très nombreux, et si on a le nombre avec nous derrière, ça permet d'avoir un roulement. Ça permet de, quand t'es fatigué, que quelqu'un soit un peu le garde-fou. Ça permet les autres. Et ça, actuellement, malheureusement, on arrive à le faire des fois. On arrive à pas le faire souvent. Et c'est pour ça que moi, mon cœur, il balance. J'ai envie d'être à fond pour, mais les expériences montrent que si on ne réfléchit pas à ce qui s'est passé à la commune, c'est cool, la commune, c'est très bien, mais c'est toujours un peu toujours la même référence. C'est comme mai 68, c'est toujours la même référence. Inventons des nouvelles références, faisons des choses, créons des zones à défendre, créons des choses dans des petites, grandes, peu importe, et ça sera super chouette. Et là, tous les contres, ils seront comme des couillons, et ça sera bien marrant. Donc voilà, moi, ce que je voulais dire, en tout cas, et c'est pour ça que mon cœur balance. Oui, moi, je voulais juste qu'on se rappelle qu'au moment de la commune, finalement, ça s'est pas fait naturellement. Ce sont pas les citoyens qui se sont mis ensemble parce qu'ils avaient envie d'un avenir meilleur. C'était l'armée française qui avait déserté le terrain du combat. Et comme ça a été rappelé tout à l'heure, les gens avaient faim, donc ils se sont organisés par eux-mêmes. Et donc, c'était comme un cas de première nécessité. Quelque part, c'est déclenché par des événements politiques extérieurs. Mais est-ce que les citoyens, sans ces tragédies ou ces événements déclencheurs, sont capables d'aller dans cette direction et de s'organiser entre eux? Donc en fait, c'est un argument contre pour montrer la difficulté du pour. Oui, moi aussi, je vais aller sur des questionnements a priori contre, parce que dans ce que disait, je crois qu'il y a une question qui est la personne qui parlait de la partie opérationnelle, enfin de la question opérationnelle et de la question politique, qui sont deux choses différentes. Moi, je n'ai pas les compétences pour savoir comment gérer une crue de la Seine ou comment... Enfin, je ne suis pas omnisciente. Et donc, si on veut gérer une ville, alors soit, comme le propose Rani, c'est à une échelle maîtrisable où on peut s'intéresser aux affaires publiques, on a le temps et on finit par être assez au courant de ce qui se passe pour prendre des décisions en bonne et due forme. Soit c'est tout demande des connaissances très spécialisées pour prendre des décisions qui ne soient pas complètement aberrantes. Comment est-ce qu'on fait dans une ville autogérée? Alors d'une part pour acquérir ses compétences, enfin savoir, alors, ou alors pour contrôler qu'un certain nombre de personnes ont ces compétences et vont les appliquer à bon escient. Ça c'est la première question. Et la deuxième question c'est comment est-ce qu'on fait pour... Parce que si tous les jours la personne qui prend une décision change, peut-être qu'il y en a une qui pensera un truc un jour, que le lendemain celle d'après pensera le contraire. Si on prend l'exemple, je sais pas moi, de stockage de produits dangereux, on les met là, le lendemain on décide que non, on les déplace, mais sans savoir que ça va provoquer une réaction chimique dangereuse. Donc il y a quand même quelque chose sur l'organisation qui est à réfléchir. C'est pas seulement une question politique, c'est aussi une question d'organisation. Pour s'organiser, il faut des gens qui ont envie de s'organiser, la question. Puis après, moi j'ai un argument quand même pour. C'est par rapport à la question de la santé publique. Sur la santé publique et le ministère qui prendrait les décisions pour garantir la santé publique, pour l'instant, il prend plutôt des décisions pour casser la santé publique. Je crois qu'il y a moins de lits dans les hôpitaux qu'il y en avait il y a un an, alors qu'on a toujours une épidémie de coronavirus et des variants de partout. En Grèce, il y a eu un développement de centres sociaux municipaux autogérés, enfin pas municipaux d'ailleurs, de centres sociaux autogérés, qui ont pris en charge le public justement parce que l'État avait fait ce qu'il est en train de faire en France. Donc il y a des choses qui marchent très bien à une échelle municipale et de façon parfaitement autogérée. Sachant quand même qu'au bout d'un moment, ils sont combattus par le pouvoir central et ils sont parfois, simplement parce que ça demande beaucoup d'investissement, beaucoup de travail personnel et que c'est quand même des questions qui sont difficiles à résoudre. Merci beaucoup madame. Pour votre intervention, ça me permet justement de m'expliquer un peu. Vous avez évoqué la question des compétences et pour moi c'est vraiment l'argument le plus puissant. Ça rejoint ce que disait Emmanuel Seyès à l'époque de la Convention et contre Robespierre, contre ceux qui voulaient faire de la France une démocratie directe. Robespierre il disait, vous savez, on n'est plus comme à Athènes. Il dit en France, les gens maintenant ils travaillent. On n'a plus des esclaves, il faut que tout le monde travaille. C'est la division du travail. Et la division du travail, c'est la spécialisation. La spécialisation, c'est comme ça qu'on devient productif, compétitif. Donc, on ne peut pas n'importe qui, parce que les gens doivent travailler, se spécialiser, et la politique fait partie de la division du travail, donc elle doit être effectuée par des spécialistes de la politique, donc des gens qui ont fait sciences politiques, qui ont des notions d'économie, de droit, qui ont étudié la politique, qui sont des spécialistes de la politique. À l'époque de Seyès. Mais aujourd'hui, je pense que ce modèle est daté. Pourquoi ? Vous parlez tout à l'heure des questions des compétences. Il y a un auteur qui s'appelle Jacques Ellul, qui a été adjoint au maire de Bordeaux, il me semble, et qui avait témoigné qu'en tant qu'adjoint au maire de Bordeaux, par jour, il avait une centaine d'arbitrages à faire. Mais que ses compétences et son temps ne lui permettaient que d'en étudier que trois. Et que les 97 autres arbitrages qu'il devait faire étaient faits par des hauts fonctionnaires. Donc, le problème de la compétence que vous mettez en œuvre, aujourd'hui, les élus de la ville de Paris, quand ils doivent prendre des décisions sanitaires sur des déchets, etc., c'est pas eux qui prennent les décisions. Ils ont des experts. Ils ont des hauts fonctionnaires qui leur disent quoi faire. Et ensuite, eux... Donc personnellement, que si par exemple on avait des élus tirés au sort parmi les citoyens, d'accord, et que ces mêmes élus tirés au sort, on leur soumet des rapports d'experts, pour moi, le choix qui pourrait faire sur ces questions-là serait plus à même de défendre l'intérêt général que, par exemple, un élu ou une élue qui était anciennement journaliste ou, je sais pas moi, qui travaille dans l'assurance ou qui dit. Mais donc voilà, donc je pense que là, sur ce terrain-là, je pense que la compétence, aujourd'hui, il peut être résolu de cette façon-là. Ensuite, concernant la santé, aujourd'hui à Paris, c'est APHP. Donc l'APHP, ça ne dépend pas de la ville de Paris, ça dépend du ministère de la Santé. Donc voilà pourquoi je parlais de ça tout à l'heure. Merci. Alors, l'heure tourne, alors on va prendre les derniers tours de parole. C'est tellement difficile. C'est tellement difficile aujourd'hui de croire qu'on peut prendre la main sur tout ça que je pense que ça commence par des petites initiations. On n'arrête pas de nous seriner, qu'on n'est pas capable, effectivement. Il y a toujours des spécialités qu'on n'arrivera peut-être pas à acquérir. Mais moi, j'aurais témoigné d'un truc qu'on fait à Saint-Denis. On s'est pris en main, en fait, pour gérer nos légumes et nos épiceries. C'est super compétence. Il n'empêche qu'on a appris ensemble à gérer notre truc et à se faire confiance. On a commencé par une AMAP il y a une douzaine d'années. On est 280 maintenant, avec une dizaine de producteurs. Mais ça s'est fait dur et les gens, ça reposait sur le fait que les gens fassent. On a ouvert une épicerie coopérative il y a 5-6 ans. Si personne s'inscrit pour tenir la permanence, eh ben la boutique est fermée, c'est pas grave. Mais la fois suivante, elle est ouverte. Il y a une cinquantaine de personnes en épicerie. Arrivé à 250 personnes, on arrête. On crée une deuxième épicerie. Puis on revient à 250, on en crée une troisième. Et ça fait trois petites équipes. Bon, on en est à trois, Saint-Denis, à avoir créé ça. Eh bien, il y a plein de gens qui prennent des initiatives, qui amènent leurs compétences, qui tiennent des permanences, qui font des commandes, qui accueillent les coopérateurs quand ils viennent faire leurs courses, qui rouspètent aussi quand il n'y en a pas assez qui viennent tenir la permanence. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, la discussion qui s'est créée, qui regroupe la MAP et les trois épiceries, ça fait à peu près 800 familles. Et en fait, la liste de discussion, sans qu'on sache qu'elle allait devenir comme ça, est devenue un lieu de troc, d'échange de services, de dons, de recherche de boulot, de recherche de conseils, de recherche de stage, de recherche d'entreprise, d'entreprise qui cherche du boulot, de polémique, de j'ai un billet, un spectacle, quand il y avait des spectacles, je peux pas y aller, je le donne. Et là, on arrive à expérimenter, finalement, qu'on se fait confiance. Peut-être que si pas mal d'initiatives se font de ce genre-là, peut-être qu'on peut ensuite envisager l'étape suivante, là, à gérer peut-être, en anticipant beaucoup, une liste municipale. Voilà. Mais si vous attaquez par le haut, on est tellement habitué à faire la queue à Carrefour qu'il y a du chemin. Et puis heureusement, on n'est pas en guerre au point d'être tous en série. Et d'avoir la trouille aux fesses et la besoin de survie pour commencer à bouger. Moi, je ne sais pas si je suis pour compte, c'est juste qu'il y a du soleil là, donc je reste là. J'aime pas la question parce que c'est déjà un mot qui me plaît pas. Je pense que la question, c'est organiser la ville. Gérer, c'est déjà un petit bout de la réponse qui me plaît pas du tout. Et la deuxième chose que je voulais dire, importante, moi, j'ai fait plein d'études dans ma vie. Et en arrivant là, je me rends compte, même sur mon domaine d'ultra compétent, je ne suis pas toujours compétent, je fais beaucoup d'erreurs. Et l'histoire montre que les êtres humains qui prétendent avoir des compétences, très souvent, ils ont un diplôme en fait. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Exemple, médecine, on a parlé de l'hôpital ou de la santé. Regardez qui ont eu le prix Nobel de médecine et puis regardez quel est l'état aujourd'hui de ce qu'ils ont dit à l'époque. Vous vous rendrez compte qu'il y a des gens qui ont eu le prix Nobel pour trois découvertes. Les trois sont démontrées comme fausses aujourd'hui. Et c'est à peu près, tout est comme ça, il faut avoir une certaine modestie. On a parlé des crues de la Seine tout à l'heure. Regarde bien ce qui s'est passé il y a trois ans. On a fait des barrages, etc. Puis aujourd'hui, on se rend compte, ça marche pas tout à fait comme ça. Donc il y a plein de gens qui se prétendent compétents. Je sais plus qui a dit tout à l'heure que c'est toi, je crois, sur le PDG d'Air France. Que je peux prendre le poste de PDG d'Air France, j'ai aucun problème à le prendre. Vous me laissez 2-3 mois pour apprendre et je pense que je vais apprendre. Et puis je pense plus loin que ça, que chacun de nous ici peut le faire. peut-être avec un peu d'expérience, mais il n'y a pas trop de problèmes. En fait, la vraie, je vois, il y a un panneau là qui m'intéresse à ville, c'est éducation populaire. La vraie question, c'est l'éducation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on met dans la tête des gens dès l'enfance pour leur expliquer que eux, ils vont pas arriver à faire ce que d'autres, des personnes soi-disant sélectionnées, talentueuses, peuvent faire. C'est juste pas vrai. Moi, mon aphorisme préféré, c'est que je préfère un amateur motivé à un professionnel pressé. Des professionnels pressés, il n'y a que ça. On a parlé tout à l'heure des gens qui prennent 100 décisions par jour. Il est évident que personne n'est capable de prendre 100 décisions techniques par jour, même impliquées, parce qu'on n'acquiert pas en une journée une compétence technique. Donc, pour moi, la réponse à cette question, c'est juste, éduquons-nous, apprenons, lisons, rencontrons, parlons et ayons la modestie de savoir que les plans ne sont pas toujours optimales, mais au moins sachons-le et arrêtons de nous faire avoir, d'être naïfs, quoi. Les gens qui prétendent qu'ils savent, c'est probablement ceux qui savent le moins. Je le partage. Faut qu'on termine, il y a d'autres choses après. Je conclue, juste un petit rappel, on nous a parlé de l'hôpital tout à l'heure, je rappelle que les hôpitaux ont tenu l'année dernière uniquement parce qu'ils se sont autogérés et pas parce que... Voilà, donc le débat est terminé, je ne sais plus c'est quoi la suite et qui s'en occupe.